Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les bignoux. Ils ont les dollars, et c'est bien. Chauvin.